Arc-en-ciel, bienvenue à tous sur le 96.2, votre émission Groove Tropical jusqu'à 16h. Le meilleur du son hein, qui nous vient de la Caraïbe. Du soleil à gogo. Et on a bien commencé cet après-midi avec Orlan. Moi, j'adore ce titre et puis je sais que vous aussi. Orlan qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure avec extrait de son tout dernier album. En attendant, la musique continue, des nouveautés bien sûr, et aussi des coups de cœur. Vous allez voir, des coups de cœur souvenirs, aussi bien en compas qu'en zouk. Hein. Alors là, je vous ai fait la totale. En tout cas, tout de suite, c'est Johan et c'est vous. 14h, 16h, c'est Chantal qui vous accompagne. Croisé dans moi, en bas des sables, ça qui t'attend. Où j'ai passé, papy siège chez moi. L'aime toucher, c'est ton évidence. Sans aucun sentiment d'inconscience. Où on passait une belle petite journée. Elle nous pas bien, ça qu'a fait me souffrir. Ça prend besoin, c'est un serviteur. figure ou sous moi, pour moi qu'à passer, je n'aime ma mère ou ma mère. Tout ça qui est tout ça ouvert. Oui, quitter pour vivre à Caroline parce que nous on est, c'est vous, c'est vrai. Pardonnez, c'est vous, c'est vrai. Oui, faire tout ça ouvert. M'abandonner la société parce que nous on est, c'est vous, c'est vrai. Pardonnez, c'est vous, c'est vrai. Malgré ça, vous pas comprendre. Vous ne Premier Ça va être sûrement un de vos titres de l'été. Iba Rendez-vous, c'est Monsieur Victor Martinez. Ça fait plaisir quand même de le retrouver. Superbe nouveauté sur le 96.2. Et on va continuer comme ça. Oh bah tiens, un petit retour en arrière. Ça date de 2005. C'est Mademoiselle Fanny avec Steve. Non, non, non, c'est Peggy. Oh là là, Peggy Bajal. Et c'est Malheur de cœur. Groupe Tropical à chaque jeudi 14h-16h. Ton regard le soir, tu m'as dérobé toute ma volonté. Je n'ai plus résisté à ton sourire charmeur, à ton charme ravageur. J'étais trop désarmé, je ne pouvais pas lutter. Et sans même se parler, on s'est tout juste enlacé. C'était la destinée, on s'est simplement trouvé. On m'avait dit un jour, t'inquiète, viendra l'amour. Mais je ne l'attendais pas, que ce soit toi, comme un voleur. Tu es entré dans ma vie, tu as fait mon cœur, et ne l'a jamais. t'avoir avec toi. On s'est juré, promis qu'on s'aimerait pour la vie. Aujourd'hui tu n'es pas là, mon cœur ne réclame que toi. Je t'aimerai toujours quoi qu'il en soit. Nina, mes sentiments, c'est pour mon face ma raison. Mais pense à où tout le temps. Bébé, on connaît bien, mais aime à où. Mais pense à où la nuit, oui, tous les jours. Moi, Nina, mes sentiments, c'est pour mon face ma raison. Mais pense à où tout le temps. J'ai déconné, j'ai pas réalisé. Que ton cœur, je l'ai abîmé. Tu n'es plus la même. Mais j'aimerais te dire je t'aime. Même pour toi ce n'est plus la peine. Mais je sais que mon amour coule dans tes veines. Baby on connaît bien mi aima. Mais pense à où la nuit, oui tous les jours. Moi t'es dans des sentiments, c'est où mon fausse ma raison. Mais pense à où tout le temps. Baby on connaît bien mi aima. Mais pense à où la nuit, oui tous les jours. Moi, Nina, mes sentiments, c'est où mon pense ma raison. Et pense à où tout le temps. Et pense à où tout le temps. Et même si je suis dans le mal, quoi qu'il arrive, je garde l'espoir. Naufragé. trop pas chier avec. Il fait mettre son style sans moi. Sans moi. Voilà, mais bon pas. C'est Robert Martino. C'est exprès son tout dernier album. C'est sorti il y a tout juste un mois avec les meilleurs titres remixés du monsieur. On va lui faire une confidence. Hein. J'ai fait chauffer la semaine des chaussures sur le 96.2 Groove Tropical. Continue toujours avec un petit peu de compas. Mais là, compas Gouillade. Après le compas direct. Du très très très très bon compas avec monsieur Nicholson Prudhomme. 14h, 16h, c'est Chantal qui vous accompagne, c'est votre émission Groove Tropical. Chérie, tous ces inspirations, moi, c'est où qui fait me comprendre la vie, c'est où qui fait me comprendre l'amour. Destination c'est pour faire cœur content. Pour chaque côté vous va arriver. Pour y'a pas chambre de l'eau nager. Moi décidé. S'il vous plaît faire monter mon bateau. Moi décidé. Tout ça vous voulez c'est ça moi voulez. Moi décidé. S'il vous plaît qu'un comme pico cadeau. Moi décidé. Ça fait au plaisir, c'est ça moi voulais. Chérie, où c'est inspiration, ouais. C'est où qui fait me comprendre la vie. C'est où qui fait me comprendre l'amour. Baby, destination c'est pour faire qu'elle content. Pour chaque côté où va arriver. Pour y'a pas jamais de l'onanger. Moi décidé. Moi décidé, tout ça roule, c'est ça moi voulais. Moi décidé, si vous voulez qu'elle comme petit beau cadeau. Moi décidé, tout ça fait au plaisir, c'est ça moi c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. bella, esto que está tan de pena. Hay cuantas mujeres fuera, esa rumba está que arde. Un palito para el compadre, esa rumba donde acaba. Eso sigue hasta mañana. Esa fiesta sigue, sigue, seguimos pendiente, fiesta. Esa fiesta sigue, sigue, seguimos pendiente, fiesta. Ya sí se armó todo el mundo con el rompe cintura. Sube, sube la temperatura con mi ritmo rompe cintura. Sube, sube la temperatura con mi ritmo rompe cintura. Sube, sube la temperatura con mi ritmo rompe cintura. Sube, sube la temperatura con mi ritmo rompe cintura. Y mira cómo se le mide la temperatura. La FM en couleur. En couleur. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Oria y Socorrito. Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaris, de Gay, de Giselle. Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Nací de Rebeca, de Olga, de Amaris, de Gay, de Giselle. Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé. Todas me insultaban, me decían mujer, ya no lo te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentres te la formo, y no sé por qué será. Pero que todas me insultaban, me decían mujer, ya no lo te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentres te la formo, y yo me pregunto, y yo no me explico, qué razón ellas tendrán. Por eso lo tuve que hacer. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, gracias al cielo me liberé. Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Fueron tantas las presiones que me puse los patines, me puse en bolina y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Mujeres egoístas me querían solo para ella nada más, y así no puede ser. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Recuerdo a mi madre cuando les decía: bendito si eres un muchacho bueno, que ya tu mamá te vio. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo, y si no, I'm sorry, goodbye, my girl. rêvé, j'ai tant tombé. Ou fais-moi un bon sourire, c'est tout bon vrai, moi accepté. Ou mon frère folie, image bonne avec tes mains. Yo tout yo dévoilé, moi j'ai une réponse à toute question. Longtemps moi t'as cherché. Je n'ai bien moi joué un chalet. Yon bel roulet qui pose très cher. Moi j'veux l'amour qui te fait fou. Me pas cacher tout comme moi d'amour. Il bien éclairé, ma fourité. Toute belle bagaille qui fait moi ouais. Moi décidé, moi accepté. Sans doute moi déjà ouais. Quelle idée, sans tête chargée. Un content moins en parcelle. Oui, émotion, ak sensation. C'est ça les réflexes. Moi j'vois une lumière, moi j'vois une chaleur. Yon belle roulet qui poit très cher. Moi j'vois l'amour, moi j'vois l'amour. Moi pas me cacher, tu j'vois moins d'amour. Et j'vois l'amour, pas me faire manger d'amour. Si l'un pas élevé, j'ai l'y fait mon lunch en terme. Si m'ta réveillé, y'en vont pas ouais, c'est où pour de m'parler. Ah, ah, ah, oh, oh, oh. Nous est pas la ria. Thank you. 96.2. La FM en couleur. Un bon matin, moi levé, quand je me pour partir loin, n'ayez un chagrin. Trouvez-moi, sachez chez moi, désir tombé tant en moi, au long de moi. La terre était tournée, l'orage fini, frappez-moi à chez moi, frappez-moi en pitié. C'est un grand coup de tonnerre, c'est un grand coup de fou qui rentre dans chez moi. Pas faire rien, écoutez-moi, écoutez-moi. Serrez-moi encore plus fort en bas, éternez-moi. Moi, ta position. Tu es entre deux idées. Groupe Tropical, le meilleur de la musique des Caraïbes. Tu réclames juste un peu d'attention. Attention. Je suis déterminé, motivé, détonateur émotionnel. Donne tes dispositions car la suite risque d'être sensationnelle. Je donne un avant-goût, plus qu'un week-end entre nous que toi et moi avant tout. C'est à vous de décider, yeah, yeah. Je te donne un avant-goût, plus qu'un week-end entre nous. Avant tout, c'est à vous de décider, yeah, yeah. Et si la vie me lance un défi, je le relèverai sans aucun souci. Si c'est le temps qui me fait défaut, je le remonterai s'il le faut. I don't wanna be without you, girl. Un bon début, rester ensemble serait un progrès égal. Réussir à tenir debout, mener notre aventure bout à bout. Mes idées, mais je ne suis à vous de décider, yeah. Si oui ou non j'ai mérité, mais dites oui sans hésiter, yeah, yeah. Ce ne sont que mes idées, baby girl, à vous de décider, yeah. Si oui ou non j'ai mérité, mais dites à vous de décider, yeah, yeah. You and I need you so. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Finette la grand ouvert, l'ennui ça qu'à rentrer. Il y a trop grand pour moi seul, l'en même moins caché chez vous. La pluie a qu'à tomber, qu'à glisser dans chez moi. Chaque goutte c'est un poignard, et qu'à poignard des moins. Cœur d'un homme en labo, qui a donné son âme. Corps d'un homme s'étiole, se consume d'amour. Cœur d'une femme en fuite, qui a tissé sa trame. Corps d'une femme sans suite s'efface dans le jour. Cœur d'un homme en lambeau, qui a donné son âme. Corps d'un homme s'étiole, se consume d'amour. Cœur d'une femme en lambeau, qui a vendu son âme. Corps d'un homme s'étiole, loin de son amour. En moi ou pas dit, pas réfléchi à rien. Qui monde la cage vie, ça passait vie ou à rien. Moi pas qu'à souhaiter au mal, mais faut qu'on sache qu'un jour, mon Dieu qu'il a tout, tout ça ou fait qui mal. Cœur d'un homme en lambeau, qui a donné son âme. se consume l'amour, cœur d'une femme en fuite, qui a tissé sa trame, corps d'une femme sans suite, s'efface dans le jour, cœur d'un homme en lambeaux, qui a donné son âme, corps d'un homme de ses tioles, se consume l'amour, cœur d'une femme en lambeaux, qui a vendu son âme, corps d'un homme s'étiole, loin de son amour. Son âme, corps d'un homme s'étiole, se consume d'amour, cœur d'une femme en fuite, qui a tissé sa trame, corps d'une femme sans suite, s'efface dans le jour, cœur d'un homme en lambeaux, qui a donné son âme, corps d'un homme s'étiole, se consume d'amour, cœur d'une femme en lambeaux. Il a vendu son âme, corps d'un homme qui s'étiole, loin de son amour. La tradition dans votre émission Groupe Tropical, hein, c'est qu'en souvenir avec Maxence, oh là là, le cœur d'un homme, que de souvenirs. En tout cas, sur le 96.1, ça fait du bien quand même, les petits retours en arrière comme ça. Bien, la musique continue avec le meilleur du zouk, votre émission Groupe Tropical jusqu'à 16h. Thank you. pas sous coupable. La gué pour yo, dernière musique là, bon allez, bon allez. Ouais. Connais yon zami, tellement fait jalousie, gardez le fil vieilli. Il est toujours pas clair, rien, pas des choses que rien. Lely by love, yo fell shock. Lely by tell, tombe dans l'air. Moi si les bouquets crier, crier. Si les blesses sont crier, crier. Tout le monde, yo, quand même là, déjà. Allons, c'est ramassé, la ramassé. Que l'on va pas bon, on n'a pas bon. Ramassé, la ramassé. Tout le monde a pas bon, tout le monde a pas bon. Ramassé, la ramassé. Jalousie pas la force étendue. Ramassé, la ramassé. Si tu gars ou si ou pas le souffrir, il me passe pour flanelle. Il besoin de jouer poker, foutre le parquet. Il toujours un petit son pas bon, foutre le babay satisfaction. Satisfaction. Lely by love, yo fell chance. Lely by quel, tombe dans l'air. Vas-y par la velle. Moi si les bouquets crier, crier. Si les blesses sont crier, crier. Tout le monde yo, dans même temps déjà. Alors c'est, gamassé, gamassé. Et là on va pas bon, on va pas bon. Ramassé, ramassé. DJ Flo a pipe, DJ Flo a pompe. Ramassé, ramassé. Jalousie pas la porte étendue. Ramassé, ramassé. Qui ça? Ramassé, ramassé. Tenez ça. C'est bon qu'on va donner en l'air. Non. C'est bon qu'on va vous vivre gourmet. Non. C'est bon qu'on va vous faire macaque. C'est pas là. Ça se coupe pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Qui commence ça? Ça se compare, qu'est-ce que tu veux qu'il l'autre? Ha ha! Oui! Solo Coco! Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça! Côté mesdames qui remettent Jal ça! Merle! Côté messieurs qui remettent Jal ça! Merle! Côté fanatique Paris, yo! Merle! Si nous là! Merle! Si nous là! Merle! Côté mesdames qui remettent Jal ça! Merle! Côté messieurs qui remettent Jal ça! Merle! Côté fanatique Paris, yo! Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit! Qui compare ça? Ça se compare, les gilets du lot. Ha ha. Oui. Solo le bambou. Qui t'a le marché, qui t'a le marché, qui t'a le marché. Ok, ok, ok. La que Mario, la que Mario, la que Ménajou, la que Poupadio. En couleur. te dire juste quelques mots d'amour en français ou en créole. Je suis sûre que tu t'en fous. La seule langue qui compte, c'est celle qui est dans ma bouche. Et oui, c'est elle qui te raconte l'amour, le vrai sur du bon zouk. L'amour, ça se chante, l'amour, ça se danse, du compas ou du zouk, du séga ou du zouk. Peu importe la langue, on dit comme on le sent. Et l'important, c'est l'amour, l'important, c'est l'amour. Thank you.

96.2. La FM en couleur. Hoje, da Direção-Geral da Saúde.